Exercice 11, page 85. Personne ne nous demande jamais « Est-ce que vous aimez ces enfants dont vous vous occupez toute la journée ?» Vous savez bien que ce ne sont pas vos enfants. Vous avez vos propres enfants. Vous avez souvent changé de famille, non ? Ça fait partie de votre travail. Qu'est-ce que vous éprouvez au juste, au moment du départ ?